Bonjour, voici la lecture d'un article de Nolwenn Weyler, sorti sur le site de Basta, bastamag.net, et qui parle des femmes après un an de gilets jaunitude. Avec les gilets jaunes, nous sommes sortis de notre impuissance. Des femmes racontent leur année de révolte. Comment sort-on d'un an d'engagement dans le mouvement des Gilets jaunes? Transformées et pleines d'énergie, répondent les femmes engagées au sein de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Reportage. Pour elles, plus rien ne sera jamais comme avant. Leur année d'engagement au sein des Gilets jaunes les a transformées en profondeur. Céline a décidé de quitter l'éducation nationale. Stéphanie ne votera plus jamais pour le RN, ex-FN, et Cathy a définitivement rompu avec la solitude. Réunies le temps d'un après-midi pour faire le point sur cette année si particulière, elles commencent par évoquer le nouveau lieu squatté par les gilets jaunes locaux depuis le 7 novembre, un ancien immeuble en plein centre de Saint-Nazaire. C'est immense, vraiment, on s'y perd presque, décrit Cathy en enlevant sa veste. À l'étage, il y a quelques réparations à faire. Il y a un petit gars de la ZAD qui est passé pour voir quels travaux on pourrait faire. C'est idéal cette situation, juge Céline. Il est important d'être au centre-ville, bien visible. Il faut qu'on arrête de se cacher. En plus, pour les gens qui n'ont pas de voiture, c'est pratique. Ses acolytes approuvent. On évoque ensuite les raisons des colères qui les ont amenés à rejoindre le mouvement il y a un an déjà. Après un bref silence concentré, Céline reprend la parole et évoque les viols qu'elle a subis, enfant, pendant 7 longues années. Quand j'ai enfin réussi à pousser la porte d'une gendarmerie pour porter plainte, on m'a dit que le crime était prescrit, évoque-t-elle, la voix tremblante. Depuis, je suis en colère contre ceux qui font les lois et organisent la société pour se protéger. Et je sais ce que être dominé veut dire. Avec les gilets jaunes, Céline a réalisé qu'elle n'était pas toute seule à être en colère. Elle s'est aperçue que cette organisation des dominants pour se protéger valait dans tous les domaines, économique, social, politique. Que ce sont eux qui écrivent les règles du jeu. Du coup, pour eux, c'est facile. C'est vrai, acquiesce Cathy. Nous, si on est en colère, c'est parce qu'on fait partie des gueux. Si on était du côté des prédateurs, évidemment, tout cela ne nous dérangerait pas. Cela, comme dit Cathy, ce sont les fins de mois qui commencent le 15, à cause de revenus trop étriqués. Ce sont les salaires et les aides sociales qui ne cessent de diminuer sans que l'on comprenne pourquoi. C'est l'impression que la vie file et que tout nous échappe sans pouvoir agir. Levée dans un fauteuil, Stéphanie détaille sa colère du jour. Ce mois-ci, elle n'a reçu que 300 euros du Pôle emploi alors qu'elle a le droit à 800. Je me suis dit, ça y est, c'est la réforme du chômage. Je fais partie de ceux à qui on diminue les allocs. Mais en fait, non. C'est mon employeur qui a oublié d'envoyer un papier. Sincèrement, c'est abusé. Et ils ne se rendent pas compte, enchaîne Cathy. Ils nous sucrent des allocs, comme ça, du jour au lendemain. Mais nous, on s'est organisé, par exemple, pour vivre avec 1000 balles par mois. Si on a 200 balles en moins, on fait comment ? Victime d'une maladie grave lorsqu'elle était très jeune, Cathy touche l'allocation adulte handicapé, l'AAH, soit 900 euros par mois maximum. 8 mois par an, elle fait des ménages dans un centre de vacances pour compléter son allocation et touche pour cela un salaire compris entre 147 et 533 euros par mois. C'est ça qui nous fait descendre dans la rue le 17 novembre 2018. Intervient Stéphanie, cette impression de galère quotidienne sans fin. Cathy, qui craignait de voir des troupes FN en rentrant trop serrées, a été scotchée de voir tant de monde. Il y avait des gens du FN, certes, mais il y avait surtout tous les autres. C'était tellement vivant, tellement fraternel. Les gens se souriaient, se parlaient. Certains s'engueulaient. Nous sommes sortis en famille avec nos deux filles, se rappelle Stéphanie. Enfant, elle n'avait qu'un vague souvenir de manifestation aux côtés de sa mère. Tout le monde avait un gilet jaune, même à la poupée. C'était un moment magique. Tout le monde se parlait, sans jugement, sans a priori. La maison du peuple, un ciment pour les révoltés. Venue simplement pour faire sa curieuse, Cathy a finalement embrayé sur les occupations 24 heures sur 24 des ronds-points, le blocage du port de Saint-Nazaire et celui de la raffinerie de Donge. On était ensemble nuit et jour, dans le froid, dans l'humidité, parfois on crevait la dalle. Ça a duré 3 semaines pendant lesquelles j'ai presque pas dormi. Travaillant alors à temps partiel comme assistante vétérinaire, Stéphanie profite de ces 2 après-midi sans travail pour se documenter. Comprendre l'évasion fiscale, par exemple. Et puis, via les réseaux sociaux, elle entreprend avec d'autres révoltés de récolter les doléances des gilets jaunes de toute la France en vue de l'Assemblée des Assemblées, qui a lieu fin janvier 2019 à Commercy, dans la Meuse. Avec l'apparition de chefs prompts à tout décider sur les ronds-points, la motivation de Cathy s'est brutalement effondrée. J'ai dit « terminé ». Et puis, j'ai découvert la Maison du Peuple. Ouverte le 24 novembre 2018, à l'issue d'une manifestation de Gilets jaunes, la Maison du Peuple, la MDP de Saint-Nazaire, est devenue le point névralgique de la révolte locale. Dans l'ancien bâtiment administratif, inoccupé depuis des années, se mettent en place des ateliers, des repas collectifs et des assemblées générales quasi quotidiennes. Cathy y vient le plus souvent possible, Stéphanie aussi, parfois accompagnée de ses 2 filles de 14 et 11 ans. Ce qui était génial à la Maison du Peuple, c'était de pouvoir arriver à n'importe quelle heure et de rencontrer du monde pour discuter, échanger, manger ensemble, se remémore Céline, enseignante démissionnaire. C'était très spontané. Plusieurs personnes en galère de logement sont aussi hébergées sur place. Ce qu'il faut, c'est récupérer le pognon, lance Cathy après avoir évoqué une multitude de discussions ayant habité la Maison du Peuple. Reprenons la main sur le trésor national avec les impôts qui filent. Et s'ils ont du mal à gérer les budgets serrés, qu'ils s'en fassent pas, nous on sait faire. Monique, agente Pôle emploi, à quelques semaines de la retraite, l'écoute en riant. Syndiquée de longue date, elle a poussé la porte de la MDP au mois de décembre 2018. Maîtrisant les fiches de salaire, le calcul des droits et autres casse-têtes administratifs, elle a plusieurs fois filé des coups de main et s'est réjouie des moments d'échange très riches qui ont eu lieu à la MDP. Les travailleurs précaires, les intérimaires, tous ces gens que les syndicats ne peuvent pas toucher, ils ont trouvé ici de véritables appuis pour apprendre et défendre leurs droits. La découverte de l'alter ego révolté, ça a été pour toutes une découverte réjouissante et pleine d'énergie. Ça a été comme un grand soulagement, lâche Céline. D'un coup, je me suis dit « Ah, mais je suis pas toute seule en fait !» Avant, j'étais tout le temps fatiguée, raconte Stéphanie. Et là, d'un coup, je bosse, je vais sur les ronds-points, après le boulot, je récupère mes enfants, je les borde, je repars en nager jusqu'à minuit, un jour sur deux, et je me sens en pleine forme. Il en faut pourtant de l'énergie quand on décide de s'engager ainsi, d'autant plus pour les femmes qui doivent apprendre à la vitesse grand V à s'affirmer au sein du mouvement, mais aussi dans leur famille. Être femme dans un mouvement de révolte, c'est une difficulté, tranche Cathy, quand on l'interroge sur le sujet. Celles qui ont des familles doivent continuer à assurer l'intendance. Certaines se voient reprocher par leurs conjoints le bazar qui règne dans les maisons, ou le peu de temps qu'elles passent avec leurs enfants. Ici, à Saint-Nazaire, on est des grandes gueules, lance Cathy. Mais on se fait quand même couper la parole pendant les AG, alors faut s'imposer, c'est clair. Un peu partout en France, des groupes non mixtes ont été initiés par des femmes pour prendre confiance et apprendre à s'imposer. Des amas jaunes, comme elles se sont baptisées, se retrouvent de temps en temps, de temps à autre. Dans le nouveau bâtiment que les Gilets jaunes squattent au centre de Saint-Nazaire, elles ont prévu d'avoir une pièce rien que pour elles. Apprentissage de la parole publique. Ces difficultés n'ont jamais dissuadé Stéphanie, Céline et Cathy, au contraire. Elles se sont découvertes bavardes et, finalement, capables de prendre la parole en public. Je n'avais aucune expérience en politique, dit Stéphanie. Je ne savais pas ce qu'était une AG et les mots se coinçaient dans ma gorge dès que je voulais parler. T'as bien changé, lui glisse Cathy avec un regard malicieux. Aujourd'hui, au chômage, Stéphanie touche 800 euros par mois et son conjoint 1 200. Et ils ont deux enfants et tirent souvent le diable par la queue. Ce n'est pas perdu pour tout le monde, les banques se servent sur nos galères. Entre les agios et les frais, on leur a filé 800 balles en 3 mois. Pour autant, Stéphanie considère qu'elle fait partie de la classe moyenne. Ah bon? S'étonne Céline. Bah oui, j'arrive encore à payer mes impôts. Et puis, elle est partagée sur l'augmentation du SMIC. Si tu augmentes le SMIC, tu augmentes la consommation, tu augmentes le capital de ceux qui possèdent les industries de production. Donc, tu favorises les oligarques. Elle a raison, lâche Cathy. Ici, vois-tu, on est libre de penser par soi-même. Si tu prends ta carte dans un parti ou dans un syndicat, tu suis le mouvement, tu écoutes. Tout est basé sur le langage, tout est codé. Moi, je peux pas. Quand la maison du peuple a été évacuée, Céline, Cathy, Monique et Stéphanie se sont senties orphelines, mais pas découragées pour autant. Avec d'autres gilets jaunes, Stéphanie a monté les Sourillons anti-gaspi, un collectif qui fait les fins de marché, transforme parfois une partie des invendus et redistribue ensuite à ceux et celles qui en ont besoin. Des personnes qui dormaient dans leur voiture ont trouvé un toit. D'autres, habituées à vivre dehors, sont régulièrement invitées à dîner. J'ai ramené la maison du peuple sur le marché, sourit Stéphanie. Pour elle, plus rien ne sera jamais comme avant. Leur vision s'est élargie. Je vois maintenant que ce qui m'est arrivé est relié au reste du monde, décrit Stéphanie. Je ne regarde plus la télé, je regarde d'un œil autre les personnes qui occupent des logements vides. Avant, je me disais, franchement, squatter, c'est abusé. Céline a décidé, quelques mois après la rentrée, de quitter son boulot d'enseignante. Si je me barre de l'éducation nationale, c'est en partie à cause de ce que je vis depuis un an au sein des Gilets jaunes. Avant, j'avais jamais eu la possibilité de mettre en forme ma révolte. À chaque fois que je me sentais en colère, on me disait que je n'étais pas normale. En se regroupant, on a senti notre force. On a vu qu'on était capable de faire plein de choses. Personnellement, je ne me sens plus de travailler au sein d'un système éducatif qui s'intéresse si peu aux enfants qui ont des difficultés. Pire, qui les enfonce. De son côté, Stéphanie assure qu'elle ne votera plus pour le FN, devenu RN. J'ai voté 2 fois pour Marine Le Pen, une fois face à Hollande, l'autre face à Macron. Je voulais que les gens gueulent, sortent de leur torpeur. Mais c'est fini. J'ai beaucoup appris en 2 ans. J'ai compris que le FN divise. Et j'ai surtout compris qu'il est impossible qu'une seule personne représente tout le monde. Impossible. Elle constate aussi qu'elle n'est plus la même mère, avec le sentiment que ses filles ont grandi elles aussi au fil des mois de révolte. Elles ont appris à se débrouiller. Elles sont devenues très à l'aise avec les adultes, pour échanger, pour discuter. Ma fille s'est présentée pour devenir éco-déléguée dans son collège et lutter contre le gaspillage. Personne ne va vous apporter notre liberté sur un plateau, remarque Céline. C'est à nous de nous imposer, de demander. Trop souvent, on finit par être fier d'arriver à tout faire, le boulot, les engagements politiques, les enfants, la maison, alors qu'on s'épuise à ça. Avec les gilets jaunes, on est sorti notre impuissance, résume-t-elle d'une seule voix. Et il ne semble pas y avoir de retour en arrière possible, ni pour elle, ni pour beaucoup d'autres. La preuve, ils n'arrivent pas à asphyxier notre mouvement, constate Céline. Les moins que rien se sont organisés, et ça leur plaît pas, pense Monique. En même temps, on est tellement petits, on n'arrivera à que dalle, soupire Cathy. Pour eux, là, qui gouvernent, on est vraiment dégueu. Mais Monique n'est pas de cet avis. Il faut se dire qu'on va y arriver. Le 5 décembre, c'est important que beaucoup de monde se mobilise. Ensuite, il faut aller au-delà et s'acheminer vers un blocage plus général. Ce qui est important, c'est d'arracher une victoire sur les retraites pour ouvrir une brèche. Pour elle, le mouvement des Gilets jaunes prouve que l'on peut être solidaire et s'entraider. À la Maison du Peuple, il y avait à manger tous les jours pour beaucoup de monde. Ça peut marcher, répète-t-elle. Attention, lui glisse Cathy, tu vas finir par me donner de l'espoir. Voilà. C'est un super chouette reportage de Nolwenn Weyler qu'elle a fait donc à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Pour être passée là-bas une fois, j'avoue qu'il y a une énergie vraiment particulière. Et en l'espace du week-end dernier, il y a plusieurs maisons du peuple qui ont ouvert un peu partout en France. J'ai pas les noms des villes en tête. Il y en a plusieurs aussi qui sont sur la sellette, celle de Nantes en particulier, est en jugement là pour être expulsée. Pareil, c'est un lieu immense. C'est un peu compliqué tout ça, mais ça vaut vraiment le coup d'aller y faire des tours et puis de se rendre compte de ce que c'est physiquement que de mettre en place des tentatives de solidarité. Bien sûr, des fois ça peut échouer, mais des fois ça marche. Et sinon, concernant Basta, donc www.bastamag.net, ils sont en train de lancer leur campagne annuelle de demande de dons afin de les soutenir. Ça fait partie des médias libres, qui non seulement sont libres, font un pur taf, hein, franchement, à longueur d'année, mais en plus ont un portail des médias libres sur lequel c'est une page à part du site sur lequel on peut retrouver plein d'autres articles de plein d'autres médias libres et qui permet en fait d'avoir une information vraiment radicalement différente des JT, des mainstream. Et en plus, eux, à Basta, ils ont fait le choix de ne privatiser aucune information, donc tout est accessible à quel que soit le revenu de la personne, et ça, franchement, ça se soutient. Donc, vous pouvez aller sur leur site, comme tous les ans, pour donner des sous afin qu'ils puissent refaire une nouvelle année pleine de reportages et de chouettes moments comme celui-là. Voilà, c'était la lecture du jour. Bonne journée, à bientôt.